une histoire particulière. Nous avons approché depuis la rentrée de septembre 2017 les sept péchés capitaux par le petit bout de la lorgnette. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier, le sixième. La Rochefoucauld a dit « De toutes les passions, celle qui est la plus inconnue à nous-mêmes, c'est la paresse. Elle est la plus ardente et la plus maligne de toutes, quoique sa violence soit insensible et que les dommages qu'elle cause soient très cachés. Elle se rend en toute rencontre maîtresse de nos sentiments, de nos intérêts et de nos plaisirs. » C'est ce que nous allons voir. Ne bougez pas de votre fauteuil. Delphine Chaume et Thomas Beau nous apportent ce péché sur un plateau. Ma chance, c'est qu'on m'a laissé en paix jusqu'ici. Car il y en a qu'on a attirés à l'extérieur. On leur promet une réintégration, une guérison aussi, du travail, du succès. Avec cette maigre promesse aux lèvres, on les reconduit pas à pas dans la société, ce grand commun. On les habitue à se montrer agréables à son égard. On les adapte. Mais moi, j'ai de la chance. On ne compte pas sur moi. On n'envoie pas de travailleur social passer des heures devant ma chambre pour me faire la leçon. Les livres et les articles de journaux, quand il m'arrive de les feuilleter, l'aftershave de papa, puis de nouveau un coup sourd, l'empreinte des doigts de maman dans l'une des boulettes de riz, ce peu de vie est juste suffisant, c'est ce qui est encore supportable. On m'accorde cela. C'est ma chance. Faire partie d'une famille qui me permet de m'enfermer. Par honte, notez-le bien. Personne ne doit savoir que je suis un hikikomori. Ma chance, c'est de faire partie d'une famille qui a honte de moi. Et c'est peut-être cette chance qui caractérise le mieux un hikikomori. La chance d'être libéré pour une période dont la fin n'est pas prévisible, de l'événement vécu et subi, de l'interaction entre la cause et l'effet. Rester dans un espace sans événement, sans objectif humain en perspective, ni volonté de l'atteindre. Si la paresse a été au fil des siècles perçue comme une faute, un péché, c'est qu'elle a pu être considérée comme l'envie de ne rien faire et par extension le manque d'envie de faire quoi que ce soit. Inertie, indifférence, mais indifférence à quoi exactement ? C'est toute la question que posent les hikikomori, terme japonais qui désigne ces jeunes adultes qui se retirent, s'extraient de la société en s'enfermant dans l'espace clos de leur chambre. Un retrait muet, opaque, invisible souvent aux yeux de cette société dont ils se détachent des normes, des valeurs et des injonctions. En refusant de participer à ce monde qui ne leur offre rien, en renonçant à agir sur lui, ils deviennent des figures parfois inquiétantes, angoissantes. Angoissantes, puisqu'ils questionnent notre rapport à la réussite, au travail et à la reconnaissance sociale. En somme, puisqu'ils interrogent silencieusement certains des fondements mêmes de nos sociétés modernes. Hikikomori. La terminologie, c'est celle-là. Alors, les hikikomori du Japon, c'est 6 mois d'enfermement plus ou moins complet à l'intérieur du domicile parental, avec quelques rares sorties pour subvenir aux besoins, aller acheter à manger ou sorties au moment où ils ne peuvent rencontrer personne la nuit. Et c'est la caractéristique étant l'enfermement dans la chambre avec plus ou moins d'usage d'Internet. Et ceci sans qu'il y ait un diagnostic psychiatrique posé. Et ce sont les jeunes. Aujourd'hui, les Japonais disent 15-39 ans. En fait, si vous voulez, ça peut commencer à 14-15 ans, mais l'affaire dure au moins jusqu'à 30 ans. Marie-Jeanne Gage-Bourdieu. Évidemment, avec une durée d'enfermement plus longue. Psychiatre. Donc, une difficulté à en sortir, je ne dirais pas proportionnelle au nombre d'années, mais une fois que la situation s'est installée, tout le monde doit être mobilisé. Le jeune, les parents, l'entourage, donc ça nécessite une action plus importante. Ils ont une vraie définition, entre guillemets, c'est-à-dire une définition officielle au Japon, par le gouvernement, par le ministère de la Santé? Il y a des problèmes de définition, parce que justement, après, ensuite, on en vient même parfois à parler des vieux qui s'enferment. Enfin, ensuite, il n'y a plus de limite, si vous voulez. Moi, il me semble qu'il faut se cantonner à adolescent, jeune adulte, après, je ne sais plus où on va. Il y a une forte dimension de déception chez les parents. C'est-à-dire que le jeune est en butte à la société au sens où il ne trouve pas sa place, il ne trouve pas de travail, il n'a pas envie d'en chercher. Il ressent un grand décalage entre ce qu'il a souhaité faire, sa formation, son idéal de travail, et puis ce que l'emploi lui offre. Avec cette différence travail-emploi sur laquelle on a beaucoup insisté récemment. Ça, c'est du côté du jeune. Du côté de la famille, on a quand même souvent une déception ancienne, avec des consultations anciennes pour un malaise de l'enfant, une difficulté d'adaptation scolaire, des consultations qui ont pu avoir lieu dans un moment de harcèlement, un passé de harcèlement à l'école se retrouve souvent et a commencé à faire le lit du retrait, et la famille est déçue de tout cela. Et la plupart considèrent que ils sont bien comme ça, qu'ils ne demandent rien, qu'ils ne gênent personne, ni leurs parents, ni la société, et qu'on les laisse tranquilles. Et ils se suffisent de peu de choses, ils ne sont pas dans une grande consommation, ils sont en dehors de la consommation. Avec 400, 500 euros par mois, ils vivent. Ils demandent qu'on les laisse tranquilles. Hikikomori, c'est repli à domicile, mais c'est aussi le personnage qui s'enferme. Je suis un hikikomori. Natacha Velut, psychanalyste et sociologue. De toute façon, c'est une question qui se pose, c'est est-ce que le hikikomori est une pathologie ? Ça, c'est vraiment une question qui est très ouverte, en fait, sur laquelle il y a beaucoup de polémiques, tout le monde n'est pas du tout d'accord sur cette question. Même le premier psychiatre qui s'est intéressé à ça, qui s'appelle le docteur Saito, lui, il a tout de suite dit que c'était un phénomène social, le hikikomori. Bon, en japonais, il avait une formule pour dire que c'était un phénomène social, mais en même temps, il proposait des prises en charge psychiatriques. Donc, il y a eu quand même une ambivalence dès le départ, on va dire, et qui reste. Je pense qu'à l'intérieur des hikikomori, il est possible qu'il y ait des personnes qui ont des pathologies ou qui ont des maladies psychiatriques et qui préfèrent se dire hikikomori que je sais pas, que dépressif, que schizophrène, etc., qui sont des termes qui sont plus difficiles à déjà assumer, mais aussi plus difficilement entendus par tout le monde, par la personne elle-même, mais par son entourage, par la société, etc. Mais il y a aussi à l'intérieur des personnes qui n'ont pas spécialement de pathologie, mais je sais pas, qui ont une difficulté. Un refus, une difficulté, quelque chose qui fait qu'ils sont un peu empêchés, qu'ils sont un peu bloqués à un moment, et que c'est leur façon de se donner du temps pour voir comment ils peuvent se débloquer, comment ils peuvent avancer différemment, comment ils peuvent redéfinir, je sais pas, leur parcours de vie. Dans ce moment, parce que quand même le hikikomori, c'est ce moment de passage, qui peut être assez long d'ailleurs, entre l'enfance et la vie adulte, qui est un passage qui se complexifie, qui prend de plus en plus de temps dans les sociétés occidentales. Et donc, c'est un moment particulier où ils choisissent effectivement de refuser de s'investir tant qu'ils n'ont pas des réponses qui leur sont propres ou qui leur sont singulières. Ce qu'ils disent, c'est « mais j'ai pas envie de changer, quoi. Pourquoi je changerais ?» Vous venez en consultation, vous venez avec vos parents, qu'est-ce qui pourrait changer ? Non, ben, je vois pas. Pour moi, en tout cas, le train est parti et je suis heureux qu'il soit parti sans moi. C'est vraiment la passivité qui domine. Aussi loin que remonte ma mémoire, je n'ai jamais eu l'intention d'atteindre un objectif quelconque. Pas de mon propre chef, je veux dire. Les bonnes notes n'étaient pas pour moi, mais pour mes parents, qui pensaient que je deviendrais un jour quelque chose de solide. C'était leur ambition, pas la mienne. C'était leur conception d'une vie orientée vers l'avant. L'uniforme scolaire, je l'ai encore. Il est accroché dans le plus sombre recoin de ma chambre. Un habit sans contenu. Il ressemble à l'un de ces personnages que l'on rencontre dans les rêves. Tu ne le connais pas et tu ressens malgré tout une singulière parenté. À y regarder de plus près, il s'avère que c'est ton ombre. Hikikomori. Si je passais l'uniforme aujourd'hui, je le remplirais difficilement. Ce serait une vision ridicule, autant que l'impression que je me faisais à l'époque, lorsque je le portais. Une personne déguisée en élève, qui prétend apprendre quelque chose, mais désapprend en réalité tout ce qui est important. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis un hikikomori. Parce que j'aimerais apprendre de nouveau à regarder. Alors, pour moi, toute société dysfonctionnante. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une société idéale. Enfin, d'ailleurs, à chaque fois que dans l'histoire, on a pensé une société idéale, ça a été catastrophique. Plus que catastrophique. Donc, toute société est dysfonctionnante. Donc, effectivement, chacun a effectivement la responsabilité de penser qu'est-ce qu'il fait avec le dysfonctionnement de la société dans laquelle il est, il ou elle est. Et donc, ces jeunes-là ont décidé de ne pas trop y aller. De rester sur le seuil. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'y intéressent pas, d'ailleurs. C'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes hikikomori qui sont très branchés sur la politique, qui suivent l'actualité. Parce que, bon, quand même, grâce à Internet, il faut quand même le dire aussi, c'est aussi important. Parce que Internet, ça permet quand même d'amener le monde chez soi. Donc, c'est vrai que ça, peut-être que ce phénomène de retrait à domicile, il est quand même lié au fait qu'on peut rester chez soi en amenant le monde chez soi, et non pas en sortant dans le monde, en sortant dans la société. Et donc certains jeunes sont très intéressés par les actualités, certains d'ailleurs, ils sortent de chez eux pour aller voter. Donc c'est pas qu'ils sont désintéressés par la société, mais disons, ils sont comme Bartleby au seuil du notariat, là, de l'étude où ils devaient travailler, ils s'arrêtent au seuil, et ils savent pas trop s'ils vont y aller ou pas, mais ils regardent. Ils regardent, ils écoutent, ils s'intéressent à la société, mais en se disant, bon, est-ce qu'on y va? Mais si on y va, comment on y va? Et pourquoi y faire? Et pour y être qui? Et ça, pour ça, ils prennent du temps, oui. En ça, ils ont sans doute tout à fait raison. Et du coup, ils en viennent à... Marie-Jeanne Gage-Bourdieu. À présenter quelque chose qui se restreint de plus en plus au niveau de leur idéal de développement, de leur idéal de vie, donnant parfois des choses très pauvres. Par exemple, je me souviens d'un jeune qui avait arrêté en BTS de chimie et à qui je disais « Mais que faites-vous toute la journée pour essayer de positiver ?» Finalement, toutes ces journées, à quoi pouvaient-elles bien servir ? Et il m'avait dit « Détrompez-vous, je ne pense à rien. » C'est juste que je fais de la gymnastique chez moi un jour sur deux, et le matin quand je me lève, je me demande si c'est le jour où je dois faire de la gymnastique ou le jour où je ne dois pas en faire. C'était assez poignant comme démonstration d'une absence totale d'idéal de vie. Les années 90 au Japon sont un véritable séisme. Un taux de chômage qui explose, une crise sociale sans précédent, en partie due à l'absence d'aide sociale. La génération qui accède au marché du travail se sent en décalage complet avec la génération précédente, laissée seule face à des problématiques inédites. Certes, le phénomène hikikomori qui émerge à ce moment-là semble propre au Japon. Ce n'est pas tout à fait exact. Si ce sentiment domine, c'est parce que le Japon a été précurseur dans la reconnaissance de ces jeunes adultes et la prise de conscience à laquelle ils ont conduit. Mais c'est aussi parce que si ces cas de hikikomori existent dans le reste du monde, en France, en Angleterre, ou même encore aux États-Unis, c'est encore un tabou. Mais c'est multifactoriel. Alors, on peut dire de façon peut-être rapide comme ça, c'est le symptôme de la société japonaise, parce que la société japonaise, elle a beaucoup bougé, elle a, depuis la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est un peu rapide de le dire comme ça, mais c'est peut-être passé d'une société dite traditionnelle, c'est-à-dire plus homogène, à une société plus occidentalisée. Alors, la présence américaine après la Seconde Guerre mondiale au Japon, elle a beaucoup influencé la société japonaise. Et donc, c'est peut-être passé à une société, bon, c'est un peu rapide de le dire comme ça, mais une société plus individuelle, plus occidentalisée. Ça a beaucoup bousculé, disons, la société japonaise d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, la société japonaise, c'est une société aussi qui a été confrontée à une grave crise économique dans les années 90, ce qui a beaucoup bougé quand même le lien au travail, le lien à la rémunération, le lien, enfin, etc. La société japonaise, c'est aussi une société vieillissante qui n'a pas fait appel à de la main-d'œuvre étrangère, donc qui compte sur ses propres forces. Or, ses propres forces deviennent âgées, d'un point de vue statistique. Donc, que les jeunes ne travaillent pas, ça pose une énorme question au Japon. Ma chambre ressemblait toujours à une tanière. C'est ici que j'avais grandi, ici que j'avais, au sens le plus strict du terme, perdu mon innocence. Je veux dire que devenir grand représente une perte. On croit gagner quelque chose, en vérité, on se perd. Je portais le deuil de l'enfant que j'avais été jadis et que j'entendais en de rares instants cogner sauvagement dans mon cœur. À 13 ans, c'était devenu trop tard, trop tard. À 14 ans. À 15 ans, on se perd. La puberté, un combat au terme duquel je m'étais perdu. Je haïssais mon visage dans le miroir, ce qui était en train d'éclore, de bourgeonner en lui. Les cicatrices que je porte à la main viennent toutes de la tentative de réparer cela, d'innombrables miroirs brisés. Je ne voulais pas être un homme qui croit gagner. Je ne voulais pas grandir dans un costume, ne pas être un père qui dit à son fils « On doit fonctionner. » La voix de mon père, mécanique, lui fonctionnait. Quand je le regardais, je voyais un avenir dans lequel je perdrais la vie lentement, trop lentement. « Rien ne fonctionne », avais-je répliqué. Et puis, je ne peux plus. Cette dernière phrase était ma devise, la devise qui devint mon exergue. « Je ne peux plus. » Il me semble, c'est Giorgio Agamben qui a eu une expression très intéressante à ce sujet, à propos de Bartleby de Melville, hein, ce roman où ce personnage dit « Je préférerais ne pas ». Qu'est-ce que c'est que cette énonciation? Elle dit quoi? Elle dit oui, elle dit non, elle dit « je préfère », elle dit « je préfère pas ». Eh ben, justement, c'est une énonciation qui ne décide pas. Il dit, c'est la suspension de la puissance. Donc du coup, c'est la puissance en acte. C'est la possibilité et la non-possibilité en même temps. C'est vrai que ça peut être un idéal. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un qui fait pas, tout en ne reconnaissant pas qu'il ne fait pas, mais tout en disant qu'il peut faire, puisque c'est juste suspendu comme ça. Il garde tout en puissance. D'ailleurs, l'adolescence, enfin, ce qu'on appelle le virtuel, c'est ça. C'est tout garder, c'est une virtualité. C'est-à-dire, c'est là, mais c'est pas réalisé. Mais c'est là. Enfin, du moins, c'est ce qu'on peut imaginer, disons, ce que le jeune peut imaginer. Il peut imaginer que c'est là, en puissance, mais comme il le réalise pas, il se confronte pas à une espèce d'épreuve de réalité. Donc, effectivement, ça peut être un idéal. C'est-à-dire un idéal non réalisé. Ça reste idéal. Au sens, il faut pas oublier, c'est à mon avis important, idéal, c'est l'idée. Dans le refus hikikomori, il y a quand même le refus. Alors c'est un refus qui est plus discret, qui est plus passif, qui est plus en creux. Natacha Velut. La difficulté que ça pose, c'est plus aux personnes autour du hikikomori qu'au hikikomori lui-même. Parce qu'un jeune qui se rebelle et qui refuse de façon active, du coup il met un comportement, une conduite entre lui et l'autre. Par exemple, la drogue, l'alcool, une grossesse, une fugue, peu importe. Il met quelque chose qui va permettre aux autres de faire lien, paradoxalement, avec ce jeune. C'est-à-dire de pouvoir dire, ah bah tiens, là tu te drogues, il faut qu'on en parle, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi tu le fais, etc. Or, le retrait à domicile ne crée pas ça. C'est-à-dire c'est un refus, mais un refus qui ne crée pas d'objet de lien. Même de liens conflictuels. Non, on ne sait pas comment, justement, les attraper, leur parler de quoi. Parler, ah ben, tu restes dans ta chambre. Bon, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Et donc, c'est une forme de refus, voilà, qui ne laisse pas de prise à l'autre, ou beaucoup moins de prise à l'autre. C'est ça qui angoisse l'entourage des hikikomori. Il n'est pas simple d'avoir un hikikomori dans la famille, notamment au début. On le sait, il y a le seuil, derrière le seuil, sa chambre. Et c'est là-dedans qu'il fait le mort. Il vit encore, on l'entend parfois, bien trop rarement, qui va et qui vient. On lui dépose son repas devant la porte et on le voit disparaître. On attend. Il doit certainement aller de temps en temps à la salle de bain, aux toilettes. On attend en vain. Les premiers temps, je ne suis sorti que lorsque j'étais certain que nul ne me dérangerait dans mon existence. Mon existence consistait à ne pas être là. J'étais le coussin sur lequel nul ne s'asseyait, la place qui restait vide à table, la prune entamée sur l'assiette que j'avais redéposée devant la porte. En étant absent, j'avais transgressé la règle qui dit que l'on est là et que lorsqu'on est là, on doit faire... On doit atteindre quelque chose. Mais il n'est pas non plus particulièrement difficile d'avoir un hikikomori dans la famille. Le désespoir que cela inspire dans un premier temps se dissipe. On n'est plus désespéré de son absence, on s'efforce plutôt désespérément de le dissimuler. Quelle honte, notre fils unique. Les gens se sont mis à parler de nous, regard en biais chez les Fujimoto. On murmure que je fais des courses pour trois alors que je ne devrais les faire que pour deux. Au moins, il a tiré les rideaux. Je n'ose pas imaginer ce que cela serait si on le voyait. Tu sais bien tout de même ce qui est arrivé jadis au Miyajima. Eux non plus, à la fin, personne ne prenait plus leur défense. Mon père et ma mère étaient d'accord. Il fallait à tout prix préserver notre nom et notre réputation. Ils se disputaient beaucoup pour savoir qui était responsable de mon repli et qui était le plus coupable des deux. Ils se disputaient à voix basse, d'une voix juste assez faible pour que les voisins ne puissent pas les entendre. « Tu l'as gâté », affirmait-on alors. Ou bien « Tu n'as jamais été là pour lui ». Mais sur la question du nom et de la réputation, ils étaient d'accord. Et leur unanimité était à mon avantage, puisqu'elle me permettait de me retirer de plus en plus loin. Une fois seulement, ils ont tenté de me faire sortir. À l'apogée de leur désespoir, ils ont ouvert la porte au pied de biche. Papa a fait irruption à l'intérieur. Il était hors de lui, et quand bien même je devrais te faire sortir à coups de poing, il a levé la main, celle de Kumamoto. Pendant quelques secondes en l'air, je reculais. Elle s'abattit en sifflant, frappa dans le vide, retomba sans force sur le sol. J'ai dit « Je ne peux plus ». Je l'ai plutôt dit à moi-même, mais on ne me dérangea plus du tout. Il y a quelque chose de subversif. Alors, je fais un parallèle, c'est un truc auquel je suis en train de réfléchir, donc c'est peut-être pas très au point, mais avec l'anorexie mentale des jeunes filles. Parce que le hikikomori, c'est un truc de garçon. Hein. C'est quand même majoritairement des garçons. Et il y a quelque chose de subversif, c'est-à-dire en gros, on demande à une jeune fille, la société, l'histoire, les impératifs sociaux, enfin bon, on sait pas trop qui y a derrière ce « on », mais il y a un peu tout le monde, enfin bref. On demande aux jeunes filles d'exister par leur corps, par la séduction, par la maternité. Alors, hop, qu'est-ce qu'elles font? Elles se retirent de ça. Hein, c'est-à-dire, vraiment, l'anorexie, priori, c'est pas une jeune fille qui peut séduire par son corps. C'est une jeune fille en plus qui n'a plus de règles, qui peut plus être enceinte. Donc, vous voyez, l'impératif social a tendance à dire à la jeune fille soit jolie, soit mère. Bon, je caricature, mais c'est un peu ça. La jeune fille refuse. L'impératif social a tendance à dire aux garçons soit actif, réussis professionnellement, etc. Et c'est là que les hikikomori refusent. Donc il y a quand même effectivement le fait qu'ils refusent des choses qui leur sont demandées. Ça, oui, il y a quelque chose de subversif, c'est évident. Depuis mon lit, je regarde la fissure que j'ai creusée jadis dans le mur sur un coup de colère. Je la regarde jusqu'à ce que je sois presque entièrement entré en elle. Le temps a des plis. Il est l'un d'entre eux. Je regarde à l'intérieur pour me rappeler les nombreux moments où j'ai regardé ailleurs. Le hikikomori, c'est une façon de faire avec le temps et l'espace très particulière. C'est-à-dire, au lieu d'être dans l'espace du monde, de la société, on est dans un espace tout petit, l'espace de la chambre. Donc un espace très petit, comme ça. Et du coup, par contre, le temps se dilate. C'est important de voir que pour ces jeunes, ils ne s'aperçoivent pas que le temps passe. Un jour, deux jours, une semaine, un mois, une année. Quand ils sortent, ils sont très surpris. Il est l'un d'entre eux. Hikikomori. Je regarde à l'intérieur. Deux jours s'écoulèrent. Tambourinement des gouttes de pluie. Par la fente des rideaux, je vis que le ciel était cousu. Pas une déchirure en vue dans les nuages. Je faisais des 100 pas. Un animal en cage qui rêve des vastes steppes. Je ne cessais d'effleurer les barreaux, faire froid sur la fourrure de la nostalgie. Je faisais des 100 pas. Le troisième jour, enfin, je me pris moi-même par surprise et m'évadai. La cage n'était qu'une pensée. La pluie dégoulinait depuis les toits en saillie. Je courais, le parapluie en biais devant moi, les chaussures pleines d'eau. Miles to go. Miles, je m'étais proposé de passer au moins devant la vitrine, de passer devant les lettres lumineuses, scintillantes, et peut-être d'y jeter à la dérobée un regard furtif. Peut-être, c'est avec ce peut-être en tête que je rôdais, animal évadé, un lion ou une panthère dans les rues fouettées par le vent et la pluie. C'était forcément là-bas, devant, le peut-être était entré dans ma poitrine, et de là, dans toutes les parties de mon corps, il me poussa vers l'avant jusqu'à ce que j'aie atteint la porte, que je sois passé devant elle, au coin de la rue, autour du pâté de maison, et de nouveau, devant, au coin de la rue, autour du pâté de maison. Je ne peux pas dire combien de fois, dans mon souvenir, j'ai marché des kilomètres. Lorsque j'ai finalement touché la poignée, j'étais épuisé, comme par un long voyage. La fumée était en suspension dans le café. Léger tintement de verre. Un rien retenu, rien. Quelqu'un téléphonait. La fonte d'un cube de glace. Il y eut un craquement. La lumière était tamisée. Hiro, Hiro, Hiro. Sa voix était un fil. Elle me ramena vers la bobine. Viens, assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux boire? Un coca? Il claqua des doigts. C'est bien que tu sois là. Une histoire particulière. Je m'enfonçais dans la garniture moelleuse d'un fauteuil en cuir. Hikikomori se retirait pour ne rien faire. Un documentaire de Delphine Chaume réalisé par Thomas Beau. Prise de son Olivia Branger. Mixage Éric Boissé. Lecture par Vincent Schmitt de La Cravate. De Milina Missico-Flazard, publiée chez L'Olivier. Marie-Jeanne Gage-Bourdieu, psychiatre. Natacha Vellut, psychanalyste et sociologue. Remerciements à Alexandre Roy et Nicolas Tajan. À suivre, cherchons homme-femme paresseux pour poste de directeur. Oui, fin du premier épisode. Nous nous retrouvons demain, même heure. Mais pour l'instant, restez dans votre fauteuil, car c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.